Il y a des choses, il y a des choses, il y a énormément de choses que je veux vous dire. Mais il y a énormément de choses que je ne peux pas vous dire. Parce que vous n'avez pas suffisamment de maturité. Il y a énormément de choses que je dois vous dire et que je devrais vous dire dans l'avenir, mais que je ne peux pas vous dire aujourd'hui parce que il faut que je prépare le terrain pour que ce que j'aurai à vous dire dans ce temps-là puisse être compris au lieu d'être interprété. Si je considère mon travail comme étant un travail ou une œuvre qui a la fonction sur le plan matériel de détruire tout le matériel psychologique humain pour que l'homme soit libre éventuellement dans son esprit, dans son intelligence, il est évident que je ne peux pas vous dire tout ce que je dois vous dire dans un certain temps. Je dois attendre. Est-ce que je le dirai publiquement? Peut-être. Est-ce que je le dirai d'une façon plus fermée, dans ce sens que je choisirai un certain nombre de personnes parmi tous les séminaristes qui devront eux-mêmes digérer ce que j'ai à dire pour qu'une fois l'avoir digéré, ils puissent eux-mêmes le transmettre à leur niveau vers l'extérieur? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'ai à dire est difficile à prendre, difficile à comprendre. Et peut-être même très, très, très souffrant pour l'homme sur le plan psychologique. Alors, pour préparer ce que j'ai à dire, je vais vous parler de cette façon. Remarquez que quand je parle à l'homme, quand je parle à l'homme en général, je suis suffisamment conscient pour pouvoir parler à plusieurs hommes, même si ce que je dis n'affectera éventuellement qu'un certain nombre de personnes, dans le sens profond de ce que j'ai à dire. L'homme qui va vers la conscience, ce que nous appelons communément la conscience, ce que nous appelons communément l'intelligence, ou ce que nous appelons dernièrement la relation de plus en plus étroite entre le double humain, le double éthérique de l'homme et l'ego, est obligé au cours de son évolution future, ou sera obligé au cours de son évolution future, il sera obligé d'emboîter le pas. C'est-à-dire qu'il sera obligé de vivre sa vie non selon son désir, mais selon le pouvoir de son double sur lui. Viendra ce temps-là, dans les années à venir. Que ce soit dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Viendra un temps dans l'avenir de l'humanité, dans l'avenir de l'homme qui se conscientise, où les hommes seront obligés de vivre leur vie comme s'ils étaient poussés dans le dos par des forces qui émanent de leur double. Et lorsque l'homme est arrivé à ce point-là dans la vie où il est poussé dans le dos par les forces qui émanent de son double, les forces qui sont le produit de la pénétration de l'intelligence à travers le double pour le rendre lumineux, les hommes qui sont obligés de vivre cette vie sont obligés à ce moment-là de reconnaître une chose de fondamentale à toute vie humaine conscience, ou à toute vie humaine supraconsciente, ou à toute vie humaine supramentale, ou à toute vie humaine réelle. Ils sont obligés de reconnaître que la vie, c'est plus puissant que l'ego. Et quand je dis que la vie, c'est plus puissant que l'ego, je dis que la vie, son thrust, sa poussée vibratoire à travers le double, contre l'ego, contre les parois de l'ego, devient tellement puissante que l'homme de la cinquième race disparaît et donne naissance à l'homme de la sixième race. Comment l'homme de la cinquième race disparaît et donne naissance à l'homme de la sixième race? Par justement, ou à cause justement, d'avoir vécu, d'avoir subi le thrust, cette poussée inéluctable du double contre l'ego. Alors, qu'est-ce qui se produit quand un homme commence à sentir dans sa vie cette poussée du double contre l'ego? Il se produit qu'il est obligé de reconnaître que dans la vie future de l'humanité, les questions de mœurs humaines, les questions d'habitude humaine, les questions de volition humaine, les questions de désir humain, les questions subjectives de l'ego à tous les niveaux de son expérience sont annihilées. Autrement dit, l'homme, à un certain moment de cette évolution, lorsque ce travail est accompli, lorsqu'il a été amené à cette concrétisation de réaliser que les forces de vie maintenant en lui, qui sont épanouies suffisamment, peuvent le pousser et le poussent. Autrement dit, l'homme, au lieu d'être comme il était avant, un bateau amateur, devient un voilier. Tant que l'homme est un bateau amateur, il a son moteur, il se guide lui-même, il a l'impression de se guider lui-même, il a son propre pétrole. Mais quand l'homme devient conscient, il ne peut plus être motorisé. Autrement dit, il ne peut plus être mécanisé. Il est obligé de vivre selon la volonté de ce vent qui est le pouvoir de son énergie interne à travers le double contre l'ego. Et avant que les hommes en soient arrivés à ce moment-là, ça va prendre un certain temps. Parce que pour que l'homme cesse d'être mécanique et pour qu'il devienne totalement conscient, il faut qu'il subisse ce que je vais appeler ce soir dans cette conférence, la dissociation psychologique. Qu'est-ce que c'est la dissociation psychologique? La dissociation psychologique, c'est tout dans votre vie, à quelque niveau que ce soit, qui renferme, à quelque niveau que ce soit, pour quelque considération que vous vouliez en tant qu'être humain, qui renferme une dimension qui vous fait plaisir personnellement. Autrement dit, l'homme supramental, l'homme super conscient, qui devient plus tard le surhomme à cause des pouvoirs du double, ne peut plus, à un certain moment de sa vie, s'imaginer que sa vie peut être vécue comme il le veut. C'est impossible. Sa vie, elle est vécue comme elle se doit. Et pour que la vie de l'homme soit vécue comme elle se doit, il faut que l'homme ait conscience suffisante, soit suffisamment évolué en esprit, soit suffisamment évolué en intelligence, soit suffisamment diminué en émotivité pour pouvoir subir, supporter le poids de cette conscience-là. Et quand je dis le poids, je dis que l'homme vit ou supporte le poids de cette supraconscience ou est capable de le supporter seulement lorsque ses corps ont été suffisamment ajustés et seulement lorsque la vie l'a poussé assez loin et qu'à un certain moment, il ne peut plus combattre la vie. Parce que l'homme combat la vie constamment par des mécanismes ou par une mécanicité interne qui est le produit de son intellect, de son émotion, et ainsi de suite. Alors, l'homme combat constamment la vie, et en combattant la vie, il s'oppose à lui-même. Alors, si je dis que l'homme s'oppose à lui-même, je dis qu'il s'oppose à cette partie de lui qui est cosmique, qui est invisible à son ego, mais qui régira un jour l'ego. Et les hommes, un jour, qui seront régis par cette partie d'eux-mêmes qui est invisible, seront les surhommes de la nouvelle race. Autrement dit, ces hommes seront dans le pouvoir de cet être cosmique, de cet être lumineux qui est eux, et ils bénéficieront sur le plan matériel de l'exécution de ce pouvoir-là, parce que ces hommes travailleront en contact direct ou en référence directe avec ce que j'appelle le gouvernement invisible. Mais pour que l'homme puisse travailler avec le gouvernement invisible, Il doit avoir une conscience totale, c'est-à-dire qu'il doit avoir une conscience qui n'est pas divisée et qui n'est pas divisible, c'est-à-dire qu'il doit avoir une conscience précise concernant la relation entre son ego et son double. Et pour qu'il ait une conscience précise de la relation entre son ego et son double, il doit perdre la conscience subjective de l'association psychologique. Et l'association psychologique, c'est cette vertu de l'ego qui permet à l'homme d'accroître sur le plan matériel les valeurs qui lui font plaisir et d'accumuler ces valeurs pendant des années de temps et un jour de perdre contact avec les forces de vie parce que les forces de vie sont incapables de troubler ou de briser ces valeurs qui ont été accumulées par l'homme, un peu comme l'écureuil qui accumule la nourriture durant l'été pour l'hiver. Et l'homme ne doit pas être un écureuil, l'homme ne doit rien accumuler durant l'été pour l'hiver. L'homme doit être capable de passer à travers l'hiver avec des moyens qui lui sont fournis par les forces de vie quand l'hiver vient. Autrement dit, quand les temps demain seront durs. Donc, l'homme demain doit être capable de se saturer complètement des forces de vie et d'être totalement libre des forces psychologiques qui ont entretenu pendant des années de temps sa conscience subjective. Donc, la dissociation psychologique, ça va très loin. Ça va tellement loin, la dissociation psychologique, que je pourrais appeler la conscience supramentale l'état d'esprit où la dissociation psychologique est totale. Vous savez, il y a quelques semaines ou quelques jours, j'ai parlé de la transmutation du couple dans une conférence et j'ai énervé beaucoup de personnes. Pourquoi j'ai énervé beaucoup de personnes? Parce que d'abord, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que je dis. Et deuxièmement, beaucoup de personnes ne réalisent pas que quand je parle, moi, je ne parle jamais pour aujourd'hui. Je ne parle jamais en fonction de votre ego aujourd'hui. Je ne parle jamais en fonction de ce que vous pensez aujourd'hui. Je parle toujours en fonction de ce que vous serez forcé par les forces de vie demain à vivre. Dans des conditions qui ne seront nullement rattachées à votre ego, dans des conditions qui seront le produit du contact vibratoire entre les forces de vie à travers le double, s'appuyant contre la paroi de l'ego pour faire éclater toutes les manchettes de votre mémoire qui sont enregistrées dans un système extrêmement complexe d'association que j'appelle l'association psychologique. Donc, quand je parle dans une conférence de la transmutation du couple, il est évident que les hommes n'ont aucune idée de ce que je veux dire. Et je vais vous donner une preuve que les hommes n'ont aucune idée de ce que je veux dire, c'est que moi, après 13 ans d'initiation et de fusion, je commence à vivre ma transmutation de couple. Alors, si moi, aujourd'hui, je commence à vivre ma transmutation de couple, il est évident que vous, ça prendra encore quelques jours. Mais si je parle de la transmutation de couple, c'est pour faire vibrer en vous une corde. C'est pour vous rendre conscient de la valeur associative que vous intégrez dans votre vie. Et cette valeur associative que vous intégrez dans votre vie est justement la corde que je fais vibrer et qui crée énormément de remous quand je parle d'un sujet aussi sérieux, un sujet qui est totalement imparlable que la transmutation du couple. Parce que la transmutation du couple, ça ne se parle pas avec des hommes tant qu'ils n'ont pas suffisance d'intelligence et qu'ils ne sont pas suffisamment conscients du pouvoir du double en eux. Alors, mais en attendant, ça fait un certain travail et ça permet aux gens de réaliser la gravité de la situation humaine, c'est-à-dire de réaliser jusqu'à quel point l'homme est enraciné dans un bien-être qu'il veut maintenir pour le plaisir de sa propre personnalité et non pour la révolution profonde de son être, pour l'augmentation vibratoire de son taux d'énergie et pour éventuellement le mener à la conquête de tous les plans de sa conscience et l'éveiller éventuellement à une supraconscience qui le mettra en contact avec le gouvernement invisible. Nous avons été pendant des siècles bernés, nous avons été enseignés, nous avons été nourris, nous avons été imprégnés de certaines constantes psychologiques. Et ces constantes psychologiques que j'appelle la religion ou les philosophies ont donné à l'homme l'impression que tout ce qui est du domaine de la théologie ou du domaine de l'invisible ou du domaine de la religion ou du domaine des abstraits vitaux de l'homme coïncide avec une période de temps que l'on vit après la mort. Donc, l'homme n'a jamais réalisé jusqu'à quel point ces constantes révèlent, lorsque nous sommes conscients, non pas simplement une systématique philosophique ou théologique pour nous donner de l'espoir dans la vie, mais révèlent effectivement les fondations organisationnelles de tout l'univers entier. Autrement dit, ce que j'appelle moi, pour le temps présent, le gouvernement invisible. Et je sais très bien que l'homme de la sixième race, l'homme supraconscient, l'homme, le surhomme, ou l'homme qui sera en dehors des constantes psychologiques qui ont été données à la civilisation pour l'organisation émotive et mentale de son être, cet homme sera en contact visuel, télépathique avec des êtres qui font partie de ce que j'appelle le gouvernement invisible, autrement dit des êtres qui évoluent sur une autre longueur d'onde, donc qui nous sont absolument invisibles. Mais des êtres qui ne sont pas invisibles. Et lorsque l'homme prendra conscience que, dans son évolution, lorsqu'il aura pris conscience de la nécessité, ou lorsqu'il aura pris conscience du pouvoir de vie, autrement dit, lorsqu'il aura pris conscience du pouvoir de sa propre lumière contre son ego, il réalisera à ce moment-là que l'homme de la sixième race sera effectivement un agent du gouvernement invisible sur la Terre pour organiser sur la Terre un nouveau gouvernement mondial. Donc, si nous regardons d'une façon télescopique le phénomène humain, nous ne voyons pas simplement une myriade ou une multitude ou une très vaste population d'unités biologiques complexes, intelligentes qu'on appelle les hommes, mais nous voyons éventuellement une organisation planétaire sur un plan de gouvernement, agencé en fonction d'un gouvernement qui aujourd'hui nous est invisible, mais qui a toujours et qui toujours contrôlera l'évolution des planètes, des galaxies et des races en évolution. Donc, l'homme, à un certain moment, sera un agent du gouvernement invisible, un peu comme aujourd'hui sur le plan matériel, nous avons des hommes qui sont des agents des gouvernements planétaires, des gouvernements physiques, russes, américains, chinois, ainsi de suite. Autrement dit, la hiérarchie qui a toujours travaillé dans l'ombre parce que l'homme a toujours été trop astral, la hiérarchie travaillera dans le jour et l'homme sur le plan matériel sera en contact avec elle et automatiquement l'homme aura un devoir, un besoin et sera forcé de par sa créativité de réorganiser les forces de vie évolutive de la civilisation pour créer sur la Terre une nouvelle science et pour que l'homme éventuellement puisse entrer en contact avec d'autres civilisations qui sont déjà très avancées. Donc, l'association psychologique et la nécessité de la dissociation de cette association relèvent du fait que l'homme est incapable, est absolument incapable de constater qu'il n'est pas un homme tant qu'il n'est pas capable de réaliser, de subir la pression de l'énergie de son double contre son ego. Autrement dit, tant que l'homme n'a pas atteint ce stade de perfectionnement de ses corps, il n'est pas un homme, il est un être infrastructurel, il est infra-humain et il est encore à un stade de haute perfection animale. Alors, l'homme étant à un stade de haut perfectionnement de la conscience animale, la plus évoluée sur notre planète, a le pouvoir psychologique de se construire une tente à l'intérieur de laquelle il vit, à l'intérieur de laquelle il s'exécute, à l'intérieur de laquelle il progresse, ce que nous appelons le progrès, mais à l'intérieur de laquelle il est incapable de créer, sur le plan matériel, aucune condition de vie qui soit égale à la volonté, à l'intelligence et à l'amour qui existe dans les sphères et qui doit un jour descendre, matérialiser sur le plan matériel pour que se construise sur la Terre, dans cette partie de la galaxie, la première civilisation qui ait pu comprendre et réaliser le phénomène de la tombe à partir du mental humain. Donc, l'homme est un être absolument déchu, l'homme est un être en déchéance, de plus en plus accéléré, et l'homme est un être qui n'est plus capable, sur le plan matériel, de se suffire à lui-même, à moins que certains moyens, certaines mécaniques ou certains outils lui soient donnés pour qu'il ait l'impression qu'il fonctionne. Et ceci, vous appelez ça vos carrières, vous appelez ça vos talents, vous appelez ça vos familles, vous appelez ça vos amours, vous appelez ça vos mariages, vos couples, vous appelez ça tout ce qui fait, dans le monde occidental ou dans le monde oriental, que l'homme est incapable de se suffire à lui-même. Il doit être, pour vivre, assuré d'une façon ou d'une autre, il doit être assuré dans son ego que ce qu'il vit, que ce qu'il sait, que ce qu'il comprend, que ce qu'il résonne à l'intérieur de lui est en conformité avec un élan qui déjà est confirmé dans une statistique, dans une standardisation de la conscience planétaire telle que nous avons aujourd'hui. Donc, aussitôt que l'homme prend conscience individuellement d'être totalement à l'extérieur de ses conditions, il se produit chez lui un tremblement interne, il se produit ce que le grand Hegel disait un angst, et le angst crée en lui une perturbation de son intelligence, et cette perturbation de son intelligence, si l'esprit n'est pas suffisamment évolué et qu'il n'y a pas suffisamment de concordance entre le double et son esprit, produit éventuellement l'insanité. Il ne s'agit que le taux de croissance de la déchéance de la civilisation, que les marques de la civilisation se déplacent, que le désordre devient de plus en plus apparent, que le désordre devient de plus en plus près de soi, que le désordre touche notre maisonnée, que le désordre touche notre politique, notre économie, ainsi de suite, ou notre religion, ou nos mœurs. Il ne s'agit que il n'y ait dans la civilisation un trouble quelconque, un raz de marée, pour que l'homme s'effondre, un peu comme ces petites maisons dans les îles des Antilles s'effondrent lorsque la tornade passe. Et l'homme ne réalise pas jusqu'à quel point il est inutile à lui-même. Et pourquoi est-il inutile à lui-même? Parce qu'il n'est pas capable, il n'est pas suffisamment intelligent, il n'est pas suffisamment conscient, il n'a pas suffisamment été dissocié dans l'organisation psychologique de son mental et de son émotion pour pouvoir aller chercher dans lui-même le matériel nécessaire dont il a besoin pour construire lui-même sa vie. Il veut, il a besoin que sa vie soit construite par les autres, il a besoin que la vie soit mesurée par les autres, il a besoin que sa mesure de sa vie soit en conformité à la mesure des autres. Donc, l'homme n'a aucune capacité de se dissocier de cette mesure standardisée qu'est la vie humaine. Donc, l'homme est totalement faible, il est totalement sans support réel, il est incapable et il sera incapable de passer à travers les événements qui secoueront dans quelques générations la planète Terre. L'homme a été tellement mal informé, l'homme a été tellement caché et voilé de choses qu'aujourd'hui, il est absolument impossible d'éclairer l'homme. L'homme ne peut plus être éclairé. L'homme ne peut plus être éclairé, ceci veut dire qu'aucun homme sur la terre, même pas moi, peut éclairer un homme. L'homme devra s'éclairer par lui-même. Et ça, c'est le point dans le temps. C'est le point dans le temps qui séparera les hommes. C'est le point de division entre la nouvelle et l'ancienne race. Les hommes devront s'éclairer par eux-mêmes. Aucun homme ne viendra pour éclairer les hommes. Aucun homme ne peut éclairer un homme. Et les hommes qui ont l'illusion de pouvoir être éclairés par un homme, ce sont des hommes qui ont encore besoin de la manne céleste, qui ont encore besoin, à cause de leur faiblesse de caractère et à cause de leur incapacité de trouver en eux la résonance de leur propre intelligence. Ce sont des hommes qui, devant le bruit qui viendra dans le temps, s'effondreront comme des jeux de cartes. L'homme ne peut pas éclairer l'homme. Et dans le cycle qui vient, les hommes devront s'éclairer par eux-mêmes. Il y aura des hommes qui viendront, qui sont venus, qui peuvent donner à l'homme une map, qui peuvent indiquer à l'homme comment est construit l'homme, comment réagira l'homme, comment doit réagir l'homme devant l'abattement des forces, mais c'est l'homme tout de même qu'il devra lui-même s'éclairer lorsqu'il sera devant la mesure de lui-même, qui sera toujours égale à l'événement créé par son esprit pour la construction en lui d'un pont entre l'ego, l'éther et l'intelligence. Alors, si je parle de dissociation psychologique, je parle de dissociation psychologique dans les moindres recoins de l'espérance de l'âme. Autrement dit, là où l'homme aura de l'espérance, là où l'homme aura de l'espérance, il y aura dissociation psychologique. Là où l'homme aura de l'espérance sera un trou à l'intérieur de sa vie où il voudra sauver quelque chose de son passé, et la lumière ira dans ce trou et éclairera ce trou, et de sa puissance, de sa force, forcera l'ego de sortir de ce trou. L'homme demain ne doit avoir aucune sécurité psychologique. Et quand je dis que l'homme demain ne doit avoir aucune sécurité psychologique, j'ai dit que l'homme demain, à cause de l'augmentation du pouvoir de résonance de la lumière à travers le double, à travers l'ego, détruira ce pouvoir psychologique. Et ceci créera une dissociation psychologique éventuelle, et éventuellement, l'homme sera tellement dissocié psychologiquement qu'il sera parfaitement dans son intelligence. Et étant parfaitement dans son intelligence, il sera prêt à convenir, à comprendre, à regarder, à parler avec, à interlocuter, ou à communiquer avec des êtres qui, dans un certain temps, se présenteront à lui sur la terre. La dissociation psychologique de l'homme, c'est l'éventuel aboutissement dans l'ego du pouvoir de la lumière. Je le répète, la dissociation psychologique de l'homme, c'est l'éventuel aboutissement dans l'ego des forces de la lumière. Donc, il est évident que les hommes qui vivront cette dissociation psychologique vivront des événements qui coïncident avec l'association qui doit être dissoute, et ces expériences-là seront choisies par l'intelligence, par la lumière. Elles ne seront pas choisies par l'ego. Donc, l'ego ne pourra jamais se créer en apparence une sécurité, à quelque niveau que ce soit. Et là où l'ego se créera une sécurité, cette lumière la brisera, la rompra, la détruira, cette sécurité. Parce que la lumière ne peut pas descendre dans l'ego s'il y a en lui quelque sécurité que ce soit. La lumière ne peut pas descendre dans l'ego tant que l'ego n'est pas totalement dissocié psychologiquement. Et ceci est tellement vrai, et ceci est tellement réel, que c'est pourquoi, sur la Terre, les hommes qui connaîtront dans les débuts de la civilisation le passage d'un plan à un autre seront en très très petit nombre. Parce que la création d'une nouvelle race est un processus de perfection, et la création d'une nouvelle race ne peut jamais être assujettie aux lois de la race ancienne. Donc, dans la création d'une nouvelle race, les lois de l'ancienne race sont totalement démolies. Le temple de Jérusalem doit être totalement mis par terre pour qu'un nouveau temple se construise, soit élevé sur les fondations de l'ancienne. C'est la loi. C'est la loi de l'évolution. C'est la loi de la descente de l'esprit dans la matière. C'est la loi de la construction. C'est la loi de la destruction. Et c'est la loi à l'intérieur de laquelle l'homme doit fonctionner d'une façon parfaite pour devenir éventuellement le grand architecte de la nouvelle civilisation. Nous avons, nous les hommes, nous avons une tendance naturelle qui fait partie de l'organisation de nos sens. Nous avons tendance, les hommes, à penser que la vie, c'est quelque chose que nous connaissons, que la vie, c'est quelque chose que nous avons vécu, que la vie, c'est quelque chose qui nous a donné une certaine expérience, nous permettant éventuellement de la mieux vivre. Je vous dis que les hommes ne connaissent pas la vie. Et quel que soit le niveau de votre expérience, quel que soit le statut social que vous ayez atteint au niveau de votre expérience, je vous assure que ceux qui seront marqués par l'énergie de la lumière du double découvriront dans l'instantané ce que c'est que la vie. Donc, ce que vous avez vécu au cours des années, vos souffrances, vos déboires, vos victoires, ce que vous avez vécu dans le passé, fait partie de la progression psychologique de votre mémoire. Ça ne fait pas partie de votre vie. Les hommes commenceront à vivre lorsqu'ils auront commencé à décomposer dans la formule fondamentale de leur être-té psychologique la magie de leur ego. Autrement dit, les hommes commenceront à vivre lorsqu'ils auront cessé de souhaiter qu'il n'en soit pas ainsi. Les hommes commenceront à vivre lorsqu'ils auront cessé de souhaiter qu'il n'en soit pas ainsi. Et tant que les hommes souhaiteront qu'il en fût ainsi, ils n'auront pas été touchés par les forces de la lumière qui créent une pression contre l'ego. Donc, ils n'auront pas commencé à vivre. Ils seront simplement en sursis. Un homme qui commence à vivre n'a plus le pouvoir de la renier. Un homme qui commence à vivre n'a plus le pouvoir de dire non à la vie. Un homme qui commence à vivre est incapable de se ranger du côté de la sécurité, à quelque niveau que ce soit. Un homme qui commence à vivre n'est plus un homme. Il est un être supérieur. Il est un être qui ne convient plus à l'ancienne loi. Il est un être que les médiums ou les mystiques ou les grands de l'ancien temps ont essayé, de par leur voyance, de voir. Mais il est un être que seul lui connaît, que seul lui comprend et que les êtres extérieurs ne peuvent que voir qu'en fonction de leur écran astralisé du mental. Donc, l'homme de la sixième race est aussi imprenable, est aussi irréalisable par la plus haute voyance d'aujourd'hui. L'homme de la sixième race est un mystère à l'homme de la cinquième. Et comme il est un mystère à l'homme de la cinquième, c'est seulement dans le temps qu'il découvre son mystère. Et en découvrant son mystère à cause du pouvoir de la lumière à travers le double, à travers l'ego, il s'aperçoit petit à petit qu'il entre dans la vie. Donc, l'homme de demain, l'homme de la sixième race, entrera dans la vie lentement, petit à petit, selon la progression de l'intensité de l'énergie de la lumière en lui, parce que dès que la lumière frappe le sol de la matière, dès que la lumière frappe la terre, elle la fait éclater. Dès que la lumière frappe la terre, dès que la lumière frappe l'ego, elle fait éclater. La lumière n'est pas une condition psychologique. La lumière, c'est le pouvoir. Et lorsque les hommes seront dans cette lumière, ils seront dans le pouvoir. Lorsqu'ils seront dans le pouvoir prendra de plus en plus de forme, s'expliquera de plus en plus à la manière de cette créativité, et l'homme ancien, l'homme de la cinquième race n'existera plus. Il n'y aura qu'un ego totalement rendu clair, rendu limpide par cette énergie, et ce sera l'homme nouveau, l'homme qui ne pense plus, l'homme qui sait, l'homme qui ne cherche rien, mais l'homme qui trouve tout. Pourquoi l'importance de la dissociation psychologique? Parce que tant que les hommes ne seront pas amenés à la confrontation entre la volonté de leur double et le désir de leur ego, ils seront incapables d'échapper à la mort. Pour que l'homme échappe à la mort, il faut qu'il soit capable de subir la confrontation entre la lumière du double et l'ego. C'est la seule façon, il n'y en a pas d'autre. C'est la lumière qui rend l'homme immortel, ce n'est pas le désir spirituel de l'ego. Donc, pour que l'homme immortalise sa matière, il doit être capable un jour, à cause de cette dissociation psychologique, de ne plus être capable égoïquement d'intervenir dans les affaires de la vie. Il ne doit plus être capable d'intervenir égoïquement dans les affaires de la vie. Donc, il doit être capable d'assurer pendant toutes les années qu'il devra passer sur le plan matériel, que la vie soit la seule force qui gère ses activités humaines et non plus son corps de désir. L'homme a l'habitude de s'entretenir de lui-même à plusieurs niveaux. Il s'entretient de lui-même à cause de l'émotion qu'il met dans ses actions ou à cause de l'émotivité qu'il met dans son rapport avec la vie matérielle. Et à cause de ceci, il entretient constamment l'illusion sans le réaliser. Qu'il est intelligent. Et je vous assure que l'homme n'est pas intelligent. Que l'homme devient petit à petit intelligent. L'intelligence, ce n'est pas ce que l'homme pense. Et c'est lorsque la pression entre le double et l'ego commence à se faire sentir que l'homme réalise jusqu'à quel point il peut aller pour devenir plus intelligent. Donc, le développement de l'intelligence chez l'homme, ce n'est pas une attribution quelconque, psychologique, faite par la lumière à son ego ou faite par le rapport entre sa mémoire et son ego. L'intelligence, c'est le produit du rapport de plus en plus étroit entre le double et l'ego. C'est ça de l'intelligence. Donc, l'homme, pour vivre de cette intelligence, pour la connaître, cette intelligence, pour la comprendre, cette intelligence, ne peut pas être un homme de la cinquième race. Il doit être capable suffisamment de dissocier la constatation psychologique qu'il s'est fait de lui-même afin de s'approprier émotivement certaines valeurs qui le sécurisent dans son ego pour aller de l'avant selon son intelligence et jamais selon la crainte d'avoir peur. Et dès que l'homme a la crainte d'avoir peur, il se coupe de son intelligence. Ceci veut dire que le pouvoir du double sur son ego est trop faible et automatiquement, l'homme doit continuer à avoir peur ou avoir la crainte d'avoir peur pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce que cette pression devienne tellement grande que l'ego est incapable de réagir contre cette pression. Et à ce moment-là, l'ego est obligé de vivre la tension de la crainte dans son plexus solaire, pour qu'éventuellement le plexus solaire ne puisse même pas vibrer à la mort. L'homme n'est pas ce qu'il croit. D'ailleurs, l'homme n'a jamais été ce qu'il a cru, mais l'homme n'a jamais su ce qu'il était, mais l'homme découvrira ce qu'il est. Et lorsque l'homme découvrira ce qu'il est, il réalisera que toutes les tendances nocives de son ego, toutes les tendances naturelles, bonnes, pas bonnes, morales, éthiques de son ego, ne sont qu'une couverture établie sur le plan matériel pour lui, en fonction de sa psychologie, pour l'empêcher de devenir fou. Donc, l'homme a été protégé par une psychologie cosmique que j'appelle la religion. Il a été protégé par une politique cosmique que j'appelle la religion. Et il a été protégé par une systématique de pensée cosmique que j'appelle la philosophie, afin d'entretenir pendant un certain temps dans son cerveau suffisamment d'espoir pour qu'il ne perde pas espoir. Donc, l'homme est déjà et a toujours été mort à la vie. Mais il se produit un phénomène intéressant, c'est que lorsque l'homme commence à prendre conscience de la vie, qu'il commence à réaliser qu'est-ce que c'est la vie, il a la crainte de la vie. Parce qu'il est habitué à l'amour de la mort. Et il est tellement habitué à l'amour de la mort qu'il a la crainte de la vie, et c'est pourquoi la vie doit dissocier en lui tout ce qui est dans sa mémoire et le rendre nu, c'est-à-dire le rendre totalement impuissant à s'organiser psychologiquement contre elle. Et c'est ça qui se produira dans la vie de ceux qui demain vivront ce que j'appelle la descente dans l'ego de la lumière à travers le double. Y a des hommes comme moi qui viennent sur le plan matériel pour instruire l'humanité, pour donner à l'homme une vue d'ensemble des lois de l'évolution. Et ces hommes ont une particularité, c'est que ces hommes n'appartiennent pas à la Terre. Et comme ils n'appartiennent pas à la Terre, ils n'ont pas envie de la Terre. Et c'est justement parce qu'ils n'ont pas envie de la Terre qu'ils sont capables de vivre sur la Terre sans en souffrir. Et les hommes qui les rencontrent ou qui les confrontent ou qui entrent en contact avec eux ont l'avantage, s'ils sont suffisamment évolués en esprit, ils ont l'avantage de rencontrer des hommes qui viennent très très rarement sur une planète pour en fouler le sol. Et les hommes qui ont cette conscience suffisante et qui sont suffisamment dénués d'orgueil ou de vanité d'esprit et qui sont capables de prêter l'oreille pendant un certain nombre d'années s'aperçoivent de quelque chose d'absolument inéluctable, c'est que ce que ces hommes disent se produit dans la vie de l'homme. Autrement dit, ces hommes qui viennent sur une planète pour instruire une civilisation viennent sur une planète non pas pour construire une tente psychologique pour l'humanité, comme l'ont fait dans le passé les initiés pendant l'évolution, mais ce sont des races nouvelles d'hommes. Nous ne faisons pas partie des races anciennes de ceux qui ont voulu venir sur la terre pour donner à l'homme du matériel afin de créer en lui des guides contre la destruction de cette civilisation. Nous faisons partie d'un groupe d'êtres qui ont pour science ou qui ont pour mandat ou qui ont pour constante dans l'universel des vues d'ensemble beaucoup plus vastes et beaucoup plus profondes, mais qui nécessitent chez l'homme une réorganisation totale de son mental et une réorganisation totale de son état émotif vis-à-vis ce mental. C'est pourquoi les hommes qui auront dans l'avenir la chance d'entendre les paroles de ceux qui font partie de ce groupe d'hommes qui viennent sur la Terre, et je ne suis pas le seul, je suis peut-être le premier, mais je ne suis pas le seul. Et les hommes qui viendront sur cette Terre pour donner de l'instruction ou pour reformuler la matière de vie, pour reformuler la constante qui doit exister entre l'homme et lui-même, ces hommes seront éventuellement extrêmement précieux pour l'humanité et il y aura une très grande lignée de ces hommes. Ce sont ces hommes qui formeront sur la Terre les nouvelles écoles de l'humanité. Mais l'impulsion originale qui est donnée à l'homme devra noyer totalement la constante psychologique de l'humanité dans le passé. Autrement dit, les hommes qui seront imprégnés au cours des années de cette instruction, de cette vision des choses, seront obligés de perdre contact complètement avec leur psychologie ancienne. Ils n'auront pas de choix. Parce qu'ils seront incapables à un certain moment de résister à la vibration qui aujourd'hui est sur la planète. Et la vibration qui aujourd'hui est sur la planète et qui est pour le moment canalisée à travers la parole, un jour sera canalisée par d'autres voies. Et plus le temps avance, plus cette vibration sera puissante. Donc, plus les hommes seront amenés rapidement à comprendre des choses qui, dans le passé, ils étaient absolument incapables de saisir parce que, dans le passé, ils avaient trop d'associations psychologiques dans leur tête. Donc, la dissociation psychologique de l'homme est absolument importante et là où l'homme cherchera un point de sécurité en lui-même, il le perdra. Alors, ceci explique pourquoi je parle de la transmutation du couple. Quand je parle de la transmutation du couple, je ne parle pas de la transmutation du couple comme vous le voyez. Vous voyez la transmutation du couple soit en votre faveur ou en votre défaveur. Si ça va bien dans votre couple, vous voyez la transmutation du couple comme étant une souffrance. Si ça va mal dans votre couple, vous voyez la transmutation du couple comme une délivrance. Hein? Mais quand je parle de la transmutation du couple, je veux dire ceci, c'est que les hommes qui vivront la transmutation du couple s'aimeront déjà. Donc, s'il n'y a pas d'amour dans votre couple, il n'y aura pas de transmutation. Pour qu'il y ait transmutation dans le couple, il faut qu'il y ait amour. Autrement dit, pour qu'il y ait transmutation dans le couple, il faut que déjà deux êtres se soient convenus dans une sorte d'expertise émotive et mentale leur permettant de se créer une sécurité quelconque. Donc, ce sont ceux qui s'aimeront qui devront demain se laisser. Alors, ça élimine beaucoup de convoitise ou de faux espoirs. Ce sont ceux qui s'aimeront demain qui devront se laisser. Et quand je dis qu'ils devront se laisser, je ne veux pas dire qu'ils devront se laisser, je veux dire qu'ils devront se laisser en esprit. Et se laisser en esprit veut dire qu'ils seront obligés de mener eux-mêmes leur barque selon les forces de vie qui pénétreront en eux et qui les pousseront dans le monde. Pour des raisons qui conviennent à l'esprit, qui conviendront à leur intelligence. Une des plus grandes constatations que l'homme peut faire vis-à-vis la réalité du surhomme ou de l'homme supraconscient, c'est que l'homme supraconscient ne s'appartient qu'en fonction de la relation étroite qu'il a avec la vie.